Bien-aimés, la semaine dernière, nous avons célébré comme point d'orgue de la fin de l'année liturgique la royauté universelle du Christ. Nous avions donc contemplé notre roi, roi de l'univers, assis sur son trône, trône de gloire, trône d'humilité. Et encore et toujours, la croix avait resplendi devant nous avant de célébrer le Saint Sacrifice. Aujourd'hui, nous entrons dans la nouvelle année avec l'ouverture du temps de l'Avent. C'est-à-dire, le temps de l'Avent, qu'est-ce que c'est ? Le temps de l'Avent qui est là pour nous permettre de mettre nos âmes en état d'alerte, attentive, prête à accueillir le Christ lorsqu'il reviendra. Lorsqu'il reviendra à la fin des temps, à l'heure du grand jugement du monde, de la résurrection de la chair. Mais mon Père, le temps de l'Avent, ce n'est pas le temps où on se prépare à accueillir le petit Jésus dans la crèche. En réalité, frères et sœurs, oui, c'est vrai, mais il faut être plus précis. L'Avent, Adventus, c'est d'abord la préparation de l'avènement du Christ. Alors il y a eu son premier avènement dans la crèche, mais il y aura aussi et surtout pour nous aujourd'hui, ce qui nous concerne en premier chef, son dernier avènement, celui qui arrivera à la fin des temps. Et ce dernier avènement sera incroyablement plus éclatant que le premier. La première fois, souvenez-vous, le Christ est descendu très silencieusement, comme la rosée sur la terre. À la fin, il reviendra glorieusement sur les nuées du ciel et personne ne pourra ne pas le voir. La première fois, Jésus est descendu pour être jugé, jugé injustement et mis à mort par les hommes. Eh bien, à la fin, c'est lui qui nous jugera. Pour établir la vérité sur nos actes, et pour nous faire entrer dans la vie sans fin. Parce que c'est ça le but de l'histoire. Alors vous comprenez, frères et sœurs, que si nous célébrons le premier avènement de Jésus à Noël, c'est avant tout pour préparer nos âmes au dernier avènement qui aura lieu à la fin des temps. Dans 25 jours, nous allons célébrer l'anniversaire de Jésus, certainement, mais comme tout anniversaire, il fait en réalité le décompte des années qui restent. Regardez un peu ce que nous faisons aux anniversaires, les rites que nous utilisons dans nos familles, dans nos maisons. Pour tous les anniversaires, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un beau gâteau, on met des bougies, des flammes, des bougies allumées, et les flammes représentent les années de vie que nous avons passées. Alors parfois on triche un petit peu, parce que bien sûr c'est juste parce qu'il n'y a pas assez de place sur le gâteau. Alors, on rend grâce en chantant joyeux anniversaire, et une fois qu'on a rendu grâce, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on souffle sur les joyeuses flammes pour les éteindre. Et vous comprenez ce qu'on fait à ce moment-là ? Nous nous rappelons que la mort peut arriver à tout instant, que notre vie est fragile comme un seul souffle, et qu'elle a une fin dont nous ignorons souverainement le jour et l'heure. Un anniversaire, frères et sœurs, ça sert donc à nous rappeler que nous n'avons pas de temps à perdre pour vivre notre vie à plein, jour après jour, et que cette vie ne doit pas être vécue n'importe comment, que nous avons tous une mission à accomplir et que nous devons rester vigilants pour ne pas perdre le temps qui nous reste. S'il nous reste du temps, c'est que nous avons une mission à accomplir. C'est que nous ne sommes peut-être pas encore prêts. Et ce temps nous est donné par Dieu. Eh bien, il en va de notre vie et de notre mort comme de l'avènement du Christ. Le premier avènement du Christ rappelle la naissance à la grâce, et le deuxième avènement nous rappelle la fin, le grand retour sur les nuées du ciel du Christ, le jugement du monde, la résurrection de toute chair et l'établissement éternel et définitif du règne exclusif de Dieu sous des cieux nouveaux et sur une terre nouvelle. Et comme le Christ ne cesse de nous le rappeler sur tous les tons depuis 2000 ans, tout ceci peut advenir à tout moment, à tout moment. Il nous le dit, il nous le redit, personne d'autre que le Père ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est dire s'il faut que nous soyons toujours, toujours, toujours prêts. Comme des veilleurs sur les remparts d'une ville assiégée, qui scrutent, inquiets, l'horizon toute la nuit, à la lumière de la lune, en attendant impatiemment qu'à l'Orient enfin le soleil se lève, pour éclairer, pour qu'on y voit clair enfin, et pour mettre en lumière notre ennemi et le pousser à la déroute. Et comme tous les veilleurs, eh bien nous aussi nous avons tendance, au fur et à mesure que la nuit de notre vie avance, à baisser notre vigilance, à laisser les paupières de nos âmes s'alourdir avant de s'endormir complètement. Nous rendre totalement vulnérables aux attaques de notre ennemi, qui alors peut venir sans aucun danger pour lui. Alors, chaque année, le Saint-Esprit qui décidément sait bien s'y prendre pour conduire l'Église et qui ne veut pas que nous soyons perdus, nous secoue et nous réveille en nous rappelant que la fin du monde est plus proche aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Et que nous n'avons pas une seconde à perdre. Alors dans l'Évangile que nous avons entendu, Jésus s'adresse à ses disciples. C'est-à-dire qu'il nous parle à nous. Il s'adresse à chacun et à chacune ici et maintenant dans cette église, dans toutes les églises du monde. Frères et sœurs, la parole de Jésus aujourd'hui, elle est pour moi, elle est pour toi, elle est pour chacun d'entre nous. Sa parole, elle est pour nous, et ce qu'il dit maintenant doit nous rejoindre personnellement dans notre vie. Et c'est le moment de rappeler justement que pour chacun, que quelle qu'ait été notre vie jusqu'ici, frères et sœurs, je vous le redis encore une fois, quelle qu'ait été notre vie jusqu'ici, tout est encore possible. Tout peut changer par la puissance de la grâce de Dieu, si nous l'acceptons, et ça peut commencer aujourd'hui. Si nous croyons par exemple que la sainteté à laquelle Dieu nous appelle tous, frères et sœurs, que cette sainteté ne nous concerne pas, elle ne peut pas être pour nous parce que notre vie passée a été trop éloignée de la sainteté, ou parce que nous ne sommes pas des religieux, des religieuses ou des prêtres, ou alors que nous avons commis des crimes gravissimes, ou que nous n'avons jamais senti l'amour de Dieu. Alors nous nous disons, ça veut dire que c'est pas pour moi. Dieu nous dit aujourd'hui que sa grâce a encore et toujours le pouvoir de nous transformer, et de nous transformer à un point que nous ne pouvons pas imaginer. Il veut que nous soyons tous saints, parce qu'il veut que nous allions tous au ciel, que nous soyons tous sauvés. Il veut que nous vivions éternellement avec lui, et ça ne peut pas se faire si nous ne sommes pas saints. Et il veut nous rappeler haut et fort que ce qu'il veut, il le fait, et que rien ne lui est impossible. Il nous a créés à partir de rien, il n'aura donc aucune difficulté à nous sanctifier à partir de notre médiocrité. Le seul obstacle que Dieu pourrait rencontrer, ça serait notre manque de foi et de confiance. Et si nous avons peur des moyens qu'il prendra pour nous sanctifier, rappelons-nous que oui, il y aura certainement des épreuves, mais qu'avec les épreuves, Dieu donne toujours tous les moyens qu'il faut pour s'en sortir. Alors, frères et sœurs, ceci étant rappelé, nous pouvons maintenant entendre ce qu'il nous dit aujourd'hui pour nous réveiller. Il en sera de l'avènement du Fils de l'homme, comme il en fut au jour de Noé, lorsqu'il entra dans l'arche. Alors vous voyez que Jésus va établir lui-même un lien, un parallèle entre le fameux récit de l'arche de Noé et l'Apocalypse. Vous vous souvenez de ce récit qui se trouve dans les premières pages du livre de la Genèse, un tout petit peu après la création du monde, après le premier péché des hommes, après le crime de Caïn sur Abel et le début de la prolifération du mal sur la terre. Dans ce récit, tout commence par Dieu qui regarde les hommes et qui voit le mal qui se trouve dans le cœur des hommes. Il ne regarde pas seulement le mal qui se trouve dans les actions extérieures des hommes, il voit le mal qui se trouve dans leur cœur, au fond d'eux-mêmes. Et c'est important de reconnaître que ce n'est pas parce que nous faisons le bien autour de nous qu'il n'y a pas de mal dans notre cœur. Et c'est cela que Dieu regarde en premier et il s'en afflige, dit le texte. Il décide donc d'envoyer un déluge de 150 jours pour tenter d'éradiquer ce mal. Et pour sauver ce qui peut l'être, il choisit Noé et sa famille pour leur permettre de traverser le déluge dans une arche de bois, avec un couple de chaque espèce d'êtres vivants, afin de repeupler la terre après le déluge. Ce déluge, Jésus nous enseigne qu'il est seulement d'une image, une image de la fin des temps. Et il nous met en garde. Avant que Noé entre dans l'arche et que les écluses du ciel ne s'ouvrent pour engloutir la terre, on vivait dans l'insouciance. On prenait femme, on prenait mari, par-ci, par-là, une fois, deux fois, trois fois. On s'empiffrait copieusement et on s'enivrait. Pourquoi faire ? Eh bien, pour combler le vide, le manque de Dieu depuis le péché. Et en ce faisant, on se voilait la face, on refusait de voir le mal qui fermente dans les cœurs, qui les oxyde, qui les corrompt peu à peu. Aveuglés par le péché, on parlait peut-être à Dieu. Ah oui, on parlait à Dieu. On était croyants. Mais on ne l'écoutait plus depuis longtemps. Et donc on ne se doutait de rien. Eh bien tout ceci, nous dit Jésus, c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Si vous ne faites que parler sans m'écouter, si vous ne faites que me demander des choses sans écouter les avertissements que je vous donne, les avertissements que je vous donne à travers l'Évangile, à travers la parole de l'Église, si vous ne cherchez pas à discerner les signes que je vous envoie, si vous refusez de vous repentir humblement, le jugement viendra pour vous, exactement comme le déluge de Noé, sans que vous ayez pu vous y préparer, sans que vous ayez pu vous repentir, demander pardon pour le mal que vous avez laissé proliférer dans votre cœur, sans que vous ayez pu entrer dans l'arche de bois qui n'est que la préfiguration de la croix du Sauveur et qui nous obtient le pardon. Vous voyez, on y revient toujours. Alors, frères et sœurs, peut-être qu'il y en a parmi nous ce matin qui se disent « Mais enfin, du péché, je n'en vois pas. Je n'en vois pas dans mon âme. J'ai peut-être tué personne. J'ai peut-être fait des mensonges, mais pas des bien gros. Hein. Des péchés, non, j'en vois pas. » Alors, frères et sœurs, je vous invite à prier maintenant le Saint-Esprit. En ce début d'avant, parce que ce n'est pas possible que vous ne voyiez pas le mal dans votre âme. Puisque Dieu nous dit, il y en a dans tous les cœurs. Et c'est ce mal-là qui vous empêchera de voir de comprendre, d'être prêt. Alors demandez au Seigneur avec moi, maintenant, suppliez le Saint-Esprit en ce début d'avant, alors que nous entendons Jésus aujourd'hui, de pouvoir être attentif, de pouvoir être vigilant, de pouvoir être humble, de pouvoir saisir la grâce au vol en nous réconciliant avec Dieu, au nom du Christ, par une bonne confession. C'est ainsi que nous devons nous préparer au jour où il reviendra, c'est ainsi que nous devons vivre l'avant, l'Adventus, pour juger le monde et pour nous emmener dans la gloire du paradis, le paradis que nous retrouverons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.